t'es dans ma cellule, je repense à toi. À toutes tes fautes, tu t'as raconté. T'as dû m'avait dit de faire bélec. Comme un con, moi je l'ai pas écouté. Toi, je pouvais niquer tout le BNF, mais t'as raté le coche. Je reste toujours titulaire, sous lointain. Je peux pas changer de poste. Fallait juste me laisser du temps. Il me restait juste 2-3 Loki. Je voulais te faire voir des couchers de soleil. T'avais plus besoin de ton parapluie. T'as dû me disais, faut te méfier. Je voyais que son boule quand t'as défilé. Pour elle, je pouvais claquer tous mes billets. Toi et moi, c'était jusqu'à la muerte. Jusqu'à la muerte, t'étais ma moitié. Toi et moi, c'était jusqu'à la muerte. Jusqu'à la muerte, t'étais ma moitié. Toi et moi, c'était jusqu'à la muerte. Lundi, je t'avais dit, tu voulais pas écouter. T'as couru dans ses bras quand je te disais, reste douté. Quand ton négro te parle, il ne faut jamais douter. C'est son corps qui t'a menti, tu t'es fait mal à bouder. T'as pensé avec ta, donc ne sois pas dégoûté. Oh, chaque fois qu'elle te, tu pouvais tout oublier. On la connaît tous ici, c'était une mauvaise idée. Oh, y'a pas plus fort qu'une femme pour nous faire tous hésiter. T'es parti voir ailleurs parce qu'elle faisait la meuf. Et maintenant, c'est toi qu'on prend pour un mido. Son niveau, reste calme comme un comico. Pour te voir à bout, elle a fait ce qu'il faut. Non, mon gars, t'as pas son niveau. T'as dû me disais, faut te méfier. Je voyais que son boule quand t'as défilé. Pour elle, je pouvais claquer tous mes billets. Toi et moi, c'était jusqu'à la muerte. Jusqu'à la muerte, t'étais ma moitié. Toi et moi, c'était jusqu'à la muerte. Jusqu'à la muerte, t'étais ma moitié. Toi et moi, c'était jusqu'à la muerte. Lundi, je t'avais dit.